Il est 20h et tant mieux puisqu'on est dans l'émission 120 au compteur, deuxième édition. Eh oui, puisqu'on est les tout nouveaux arrivants. Une belle petite équipe pour votre plaisir. 120 minutes de musique, de sorties, d'idées sorties, de cinéma avec toutes nos comparses autour de la table. Avec ce soir, allez, je vais commencer par la voix féminine évidemment avec Odissa. Allô, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ah ben oui, mais complètement, il fait bien chaud dans les studios, ça fait du bien d'être à l'intérieur. Ah oui, oui, parce que par les temps qui courent, ouais, ça pèle. Tu vas nous réchauffer le cœur puisque ce soir, donc bien sûr on va t'entendre Odissa, mais surtout tu vas nous parler, donc, alors je sais pas de quoi tu vas nous parler en réalité. D'un célèbre ourson. Ah ouais. Ah, tu veux pas nous en dire plus? Non, c'est mieux de garder le suspense. Tu vas maintenir le suspense jusqu'au bout. Ouais, mais nous sommes aussi avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors précisons que Sherlock, c'est en un seul mot. Oui. Ben, je dis ça parce qu'on m'a quand même posé la question. Il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est bien en un seul mot. Donc c'est Sherlock, vous savez, c'est un peu, on fait une allusion à Sherlock Holmes. Donc, oui, c'est voilà. Ça. Parce qu'il te fouille un peu partout. La preuve en est, c'est que ce soir, tu vas nous parler de... d'un film. Non mais comme tu fouilles un peu partout, voilà, donc t'as été fouillé. Oui, je vais vous parler d'un film, donc là ce sera des années 90. Ouais, ah. Eh oui. 1991 exactement. Ouais. Et donc je vais essayer de vous le faire deviner. Je vais vous donner des petites anecdotes sur le film. Et je reviendrai également au cours de l'émission sur les sorties ciné, donc qui vont arriver demain. Bien. Bien. Alors moi de mon côté, moi je vous ferai quelques petites. Oui, bonsoir. C'est vrai, à chaque fois je vous dis bonsoir. Bonsoir Odissa, bonsoir Sherlock. Ouais, bah oui, salut, c'est moi, c'est Harry. Oui, bah moi je vous parlerai de ce que j'aime bien, j'appelle chronique inattendue. Je vous ferai une petite chronique gourmande, tiens. Ça va réchauffer. Ouais, ça va peut-être vous donner envie. Toi, Odissa, qui est très très gourmande, tu vas adorer ça. La recette du Gloubi Boulga. Je la connais. T'es pas très loin. Je vous parlerai aussi, si on a le temps, d'un objet qui a vraiment marqué les années 80 jusqu'aux années 90. Et quand je vais vous en parler, vous allez dire ah ouais, et peut-être que vous l'aviez eu aussi. Puis si on a encore le temps, je pourrais vous parler d'un groupe qui fait parler de lui actuellement. Je vous en dis pas plus. Et puis, il y aura un petit peu d'actualité autour de Boucron et de la région lilloise. Ça, on en parlera. Ce sera juste après cette belle coupure musicale que Sherlock nous a préparée. Oui, Michael Jackson avec PYT, Pretty Young Thing. Refais-le. Ouais. Pretty Young Thing. Ah. Yeah. Allez, on se retrouve après ça. C'est parti. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Take it. première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Oui, tous les jours, le meilleur de la musique des années 80 à nos jours, et ce soir aussi dans l'émission 120 au compteur, avec Sherlock qui est derrière les platines. Ça y est, bah quoi 120 au compteur, t'as du mal. Bah oui, il faut que je m'entraîne. T'es sorti deux minutes, t'as la langue gelée, c'est ça. 120 au compteur, et oui, oui, toute nouvelle émission, évidemment, vous l'avez compris. Je vous rappelle, mais arrêtez de rire tout de même. Alors, je vous rappelle qu'au passage, vous avez la possibilité de nous envoyer vos commentaires, parce que c'est aussi un espace de liberté, liberté d'expression, oui. Pour vous. Sherlock, comment fait-on si on veut nous balancer un petit message? On va sur Facebook, on prend ses petits doigts boudinés ou pas. Je parle pour toi. Ouais. Voilà. On recherche donc dans le champ de recherche l'émission 120 au compteur. Vous avez le mec qui va commencer par. Alors vous allez sur démarrer, programme, Internet Explorer. Vous tapez 3 doigts. Et donc ensuite, vous nous laissez un petit commentaire sur la page qu'on lira. On va le relayer. Allez, bien sûr, on relayera l'information. Et justement, en parlant de relayer l'information, il y a une information que je trouve très sympathique, une initiative que je trouve, ma foi, très bien pour les amateurs. Alors, les amateurs artistes, par exemple, le chanteur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, il y a Julien Doré qui va venir se produire sur Lille. Je crois que c'est le 28 avril, entre autres. Il se produira aussi sur Roubaix. Donc, il y a trois dates. Il y en a une sur Lille, je pense, et deux à Roubaix. Ou vice-versa, je ne me souviens plus. Mais ceci dit, il lance actuellement donc un casting pour les artistes amateurs pour faire partie donc de la première partie du concert. Oh, c'est génial, en avant-première. Oui, en avant-première. Donc cool. Il offre 15 minutes d'avant-première pour un groupe amateur. Alors, quand je dis groupe, c'est pas vrai, puisque c'est la condition, il faut un être amateur et deux être solo. Donc seul c'est en scène, pas un groupe, ouais. Voilà, pas un groupe. Non, c'est pas un groupe. Donc si vous êtes chanteur, guitariste, surtout n'hésitez pas. Ça m'a l'air d'être une très très bonne initiative. Pour ça, c'est très simple. Et une bonne occasion de se faire connaître. Surtout. Bien sûr. Ouais, et j'ai pensé à Timothy justement. Je me suis dit Timothy pourrait très bien convenir au concept. Donc si vous souhaitez tout simplement fouler la scène avec Julien Doré, tout simplement, il faut participer au casting et donc poster une vidéo sur son site internet. Alors j'imagine que vous tapez Julien Doré, vous allez tomber directement sur son site internet, juliendoré.fr, quelque chose comme ça. Mais enfin bref, faites vite, puisque de mémoire, je crois que c'est courant avril qu'il viendra se produire sur Lille. Donc le choix du casting se fera très très rapidement, mais il est toujours en cours. Donc voilà. Donc Sherlock, si t'as envie de te produire, pourquoi pas? Ouais, t'as une belle voix. Je te vois bien chanter la bonne du curé. Zizi de Pierre Perret en première partie de Julien Doré, ça le ferait quoi. Ouais, pourquoi pas. On sait jamais. Donc voilà. Donc à bon entendeur, si vous êtes amateur, artiste amateur, surtout n'hésitez pas à aller sur le site internet officiel de Julien Doré. Ok, ça marche. L'info est passée comme ça. Ouais, c'est cool. Bon, je vous propose de se retrouver après une petite plage musicale. Une plage. Ah oui. Julien Doré aussi, attention. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Coco Caline, sur la plage Coco Caline. Ouais, ma fille, elle est folle de Coco Caline. Mais ta fille, elle est folle de tout. Elle est folle de moi, de Coco Caline. Bon, on va se retrouver juste après Les Avions et Nuit Sauvage. Dedans, il dit La Nuit est chaude. J'espère qu'il aura raison. Ouais, avec Jean-Pierre Mergand, d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de voir en interview. Sherlock. Exact, ouais. C'était un très bon moment. Il a joué en live pour nous dans les coulisses. Exactement. Et puis avec de mémoire, il avait chanté Nuit Sauvage et est intervenu l'un des chanteurs des Négresses Vertes aussi. Oui, c'était Stéphane Mélina et il y avait également l'un des chanteurs des Pow Wow. C'est ça, exactement. Ah, c'était sympa. Il avait même changé un petit peu les paroles pour l'occasion. C'est vrai. Allez, on se retrouve après Les Avions et Nuit Sauvage. Elle est sauvage, la nuit est belle. verts et oranges. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et oui, et vous êtes de retour donc dans l'émission 120 au compteur, toujours avec Harry, Onissa et moi-même, Sherlock. Donc on vient d'entendre Les Avions avec Nuit Sauvage. J'espère que ça vous a réchauffé un petit peu, parce que c'est vrai que dehors il fait assez froid et je crois qu'on annonce encore des températures assez basses. Je pense que c'est un peu exagéré tout de même. Hein. C'est un vent. Bah oui, d'accord, le on ressenti parle d'un vent. Le ressenti est très froid. Hein. C'est l'hiver, non mais on en fait un sujet d'actualité en disant cet hiver il va faire froid. Oui, bah c'est l'hiver, messieurs, dames. Aujourd'hui c'est la journée la plus froide de l'hiver. Ah bon, ça va alors, c'est rassurant, parce que c'est pas non plus non, la Sibérie. Non mais c'est parce que t'as cette impression-là, parce qu'il y a du soleil, il fait clair, c'est agréable. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas dépassé le 0 degré aujourd'hui. Non, on est resté à moins 2 toute la journée. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai une blague là-dessus, vous connaissez, non ? L'Eskimo qui attend devant son igloo, et non, qui sort son thermomètre et qui dit « S'il y a moins 5, elle n'est pas là, je m'en vais. » Bon, c'était la blagounette du soir. Ouais, bah voilà. Je l'ai faite. Bah, tiens, en parlant de blagues comme ça et d'humour, vous savez que l'édition quand même de Fou Rire Garanti qui se passe sur Moucron, y a la nouvelle édition, hein, donc il y a toute une belle programmation. Cette année, il y a eu déjà les frères Taloche qui se sont produits il y a quelques mois donc au centre Marius Taquet. Le week-end dernier, il y a eu Raphaël Mezrahi, qui s'est produit avec son spectacle Ma grand-mère vous adore. Il paraît que ça fait un succès. Alors faut savoir que Fou Rire Garanti, ça existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, hein. Je pense qu'on en est à la 12e, 13e édition, quelque chose comme ça. Donc c'est Laurent Arduin qui est à l'initiative de cet événement. Moi je vous invite franchement donc à aller voir la programmation. Alors je sais qu'il va y avoir un humoriste qui va se produire là dans les semaines à venir, dont j'ai oublié le nom, vous allez m'en vouloir, mais j'ai complètement oublié, qui a fait un gros succès dans l'émission de Laurent Ruquier. Monsieur Fraise. C'est ça, Monsieur Fraise. Ouais. Bah exactement, c'est Monsieur Fraise. Il y a d'ailleurs Arnaud Tirard dans les matinales qui fait gagner des places. Ah bah dis donc, il faut l'écouter tous les matins. Ouais, 7h à 10h. Voilà, 7h à 10h, vous écoutez les matinales et vous aurez la possibilité de remporter gratos une entrée pour aller voir un des spectacles de Fou Rire Garanti. Et en l'occurrence, donc Monsieur Fraise, c'est bien c'est ça. C'est ça, Monsieur Fraise. Voilà, mais t'écoutes RLM toi. Bah bien sûr. Ah bon. Vidéo gag. Je ne fais pas qu'y animer, je l'écoute. Non mais alors Monsieur Fraise, moi j'ai toujours j'ai bien aimé le principe qui faisait, c'est que en fait il parle pas du tout, limite il reste statique et les gens rigolent de lui. Enfin ça c'est ce qu'il faisait chez Ruquier. Ça c'est ce qu'il faisait chez Ruquier. Il l'a fait plusieurs fois. Au bout d'un moment, Laurent Ruquier lui a dit bon, j'espère que votre spectacle n'est pas comme ça tout le temps. Mm-hmm. Et il lui a dit non. Mais en même temps, à chaque fois qu'il était chez lui, il faisait les mêmes trucs. Mais ça faisait marrer les gens en fait. Ah, c'est sa tête en fait. T'as pas envie de faire du Monsieur Fraise, toi. Non, à la radio c'est difficile. Hein. C'est vrai. Le jour où on diffusera en direct, je sais pas, peut-être sur Facebook, peut-être qu'on aura des tu sais les. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, Pour en revenir donc à Fou Rire Garanti, hein, n'hésitez pas à aller sur le site officiel et vous aurez toute la programmation. Et bien évidemment, écoutez toutes les matinales, puisque si vous avez la possibilité en plus de remporter donc votre place, ben ne vous gênez pas. Hein, c'est tous les matins de 7h à 10h avec la belle voix d'Arnaud Tirard. Bon, eh bien alors je vous propose une petite une petite pause musicale. Ah bah c'est bien. On reviendra juste après ça, c'est UB40 avec Here I Am. Ah tiens, dis donc, je connais moins. Mais si, c'est connu ça. Here I Am, baby. Ah oui, c'est vrai, si c'est vrai. Ah ouais, tu vois, tout de suite quand je te chante, tu reconnais. Ah ouais. Allez, c'est parti. Les deux gars du Bopette. C'est parti. RLM 107.9 FM. RLM. Et oui, donc dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h, j'espère que vous passez un très très bon moment avec nous. On vient de recevoir un petit message de Stéphache via notre page Facebook. Alors Stéphache, connaissez à le connaître, puisqu'effectivement, il a fait donc la première émission avec nous pour le Défi Mix, donc belle émission de la semaine dernière. Et là, une bonne nouvelle arrive, puisque effectivement Stéphache va définitivement rejoindre l'équipe RLM. Génial. Alors, j'ai ouï dire qu'il allait faire une émission le samedi soir, prochainement, alors dans les semaines à venir, une émission donc spéciale mix. Je crois que c'est de 22h à minuit le samedi soir. Non, ça doit être de 20h à 22h. De 20h à 22h. Parce que 22h minuit, c'est Arnaud Tirard qui mixe. Ah oui, il va pas prendre la pause Arnaud. Non, bah non, évidemment. Donc voilà. Donc effectivement. Donc, tu vas entendre. Donc très très bonne nouvelle, c'est que Stéphache, alors non seulement sera avec nous au moins une fois par mois pour le Défi Mix, mais il sera aussi toutes les semaines sur les ondes de RLM, donc le samedi soir, donc de 20h à 22h. Ouais, ça, c'est une bonne chiant. Nouvelle. C'est bien. Et on vous dira la date exacte dans les prochaines semaines. D'ailleurs, c'est absolument. Et on vous laisse le choix dans la date. C'est ça. Onissa, tiens, dis donc. Alors, moi, je vais vous parler d'un célèbre ourson. Ah ouais, qui se mange? Non. Ah. Se mange c'est pas les oursons guimauve. Ah non. C'est les oursons câlins. Ah, là, c'est quoi? C'est quoi? Bah oui, ni l'ourson. Ah oui! Ah, ouais. Donc, la première diffusion, ça a été dans le Club Dorothée, comme d'habitude, bien sûr. Ah oui? En 89, oui. Ah, ouais, et en fait, c'est Alexandre Milne qui a inventé ça en regardant son fils jouer avec ses peluches. Et l'avantage de Winnie l'ourson, en fait, c'est qu'il traite des sujets d'une grande profondeur, mais en gardant toujours beaucoup de tendresse et de candide, allez, d'esprit candide et vraiment. Mais ça traite de tous les sujets. Le racisme, l'inégalité. Non, l'alphabet, la différence. Non, mais c'est vrai. Des êtres, les bégaiements, enfin toutes sortes, la gourmandise. Ah ouais, bah c'est sûr qu'avec Tigrou, le bégaiement. C'est lui hein, qui bégayait. C'est non, c'est Porcinet. Ah, pardon. Oui, c'est Porcinet. Bah oui, Tigrou, c'est celui qui est hyperactif. Ah oui, Tigrou. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mes mopettes sont en route. C'est Préjean, je pense, qui le double. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Patrick Préjean. Patrick Préjean, ouais. Si, t'as Bourriquet aussi. Le dépressif. Ouais, le très dépressif qui perd toujours sa queue. Ah ouais, c'est vrai. Ça vous rappelle rien, les garçons? Attention à ce que tu as dit, Onissa. Bah, on avait un animateur, un Flipcat, qui était. Comme ça. On l'embrasse d'ailleurs. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Après, il y a Coco Lapin aussi. Ah oui. C'est toujours son jardin, très ordonné, très carré. Donc ça rappelle plein de souvenirs. C'est vrai, ouais. C'était quoi l'histoire en fait? Il y avait une histoire particulière? En fait, ça traite. Chaque personnage a eu son petit moment de gloire. Il y avait Maître Hibou également. Oui, mais ça c'est encore. Mais ils ont commencé vraiment avec Bourriquet, Porcinet, Winnie, Coco Lapin. Après, il y a eu la Taupe. Ouais, il y a eu Maman Gourou et Petit Gourou. Ouais, Petit Gourou et tout ça, c'était chouette. Ça, je me rappelle moi. De tous les sujets de société, mais vraiment. Mais il y avait une double lecture, je pense. Il y avait peut-être une lecture pour les parents, une lecture pour les enfants. Ah oui, ça apprend aux enfants dans un monde candide et tout ça innocent, mais la différence, les bégaiements, la gourmandise. Et après, bien sûr, ils ont élargi la palette Les sept péchés capitaux, quoi, la luxure. Non, pour apprendre l'alphabet. Mais non, pas la luxure et tout ça tout de suite. Alors, je sais pas si tu vas en parler, mais je sais pas en fait si tu vas en parler, donc si j'en parle, tu vas me dire alors parler. Je te dirai non. Il faut savoir que Winnie l'ourson est interdit en Chine, par exemple. Ah, ça, je le savais pas. Parce qu'il ressemble à. Oh, dis donc. Non. Il est interdit dans un pays de l'Est parce qu'il ressemble justement aux dirigeants du pays. Ah, bah c'est ça, ouais. Ouais. Par contre, en Chine, c'est parce qu'il a pas de pantalon. Et eux, c'est indécent. Parce qu'il a juste un t-shirt, en fait. Donc. Pour eux, c'est indécent. C'est un petit ourson, quoi. Attends, c'est c'est les Chinois en même temps. Enfin, les Chinois, c'est pas les derniers non plus. Enfin, quand tu vois les mangas, ils sont assez violents. Ah, ils sont assez japonais. Ah, pardon. Ah, oui, d'accord. Ouais, Chinois, japonais, c'est pareil. Ouais, ça y est, tout de suite, ça les yeux bridés, c'est pareil. Moi, les garçons, on est occupés de parler oui, moi, qui bon, quand même. Oui, hein, c'est vrai. Pardon, c'est ça. Et maintenant, il y a une. On l'arrête plus. Il y a Winnie l'ourson détective. Ah ouais. Il y a un dessin animé, je sais, ma fille, elle regarde, elle aime bien. Oh, c'est vrai. J'ai toujours une référence à ma fille. C'est sa fille, quoi, c'est ça. Tu vois, pourtant, il parle jamais de sa femme, t'as jamais remarqué? Ah ouais. Non, ma femme regarde moins. Non, puisqu'il n'y a pas la luxure et tout ça, comme tu disais tantôt. Donc, non, donc il n'y aura pas ma femme. Non, mais c'est vrai que c'est sympa et ça permet de traiter, via pour les enfants, tous des sujets qu'on n'aborde pas facilement, quoi. Ok. Voilà. Eh ben, avant de te retrouver pour la deuxième partie, oui, on va faire une petite coupure musicale avec Art Mango et les parfums de sa vie. Ah oui. Ouh, c'est ça. Ouh. Oh là là là. Oh, là qu'est-ce là que là tu là fais là. Tu peux nous le refaire là. Refais-le, ouais. Ouh. D'accord. Bah maintenant, on compare. Sur RLM. RLM. Et Et oui, et plus spécialement dans l'émission 120 au compteur. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque là, les minutes s'écoulent, on serait plutôt 80 au compteur maintenant, puisqu'il y a 40 minutes d'émission qui sont passées. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors je vous rappelle quand même qu'effectivement, toute nouvelle émission, hein, c'est notre deuxième émission ce soir et on est vraiment content de vous retrouver. Vous retrouvez vous, les auditeurs bien évidemment, et auditrices, mais vous retrouvez aussi toute la bande Sherlock, Onissa. Parlons de Canon aussi au passage, hein, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais, non, qui se la coule douce au soleil, voilà, lui. Qui se la coule douce au soleil, absolument, on l'embrasse. Voilà, mais il sera avec nous donc la semaine prochaine. Un petit coucou aussi à Stéphane, bien sûr. Qu'on retrouvera bien en principe la semaine prochaine. La semaine prochaine, il sera là pour le défi mix. Oui, c'est ça. Premier, puisque bon, en principe, effectivement, c'est le premier mardi de chaque mois, donc vous aurez la chance d'avoir Stéphane pour le défi mix. Et rappelons pour ceux qui n'étaient pas là peut-être tout à l'heure quand on l'a annoncé, c'est que Stéphane va avoir aussi une émission à lui maintenant sur l'antenne de RLM le samedi soir. On ne sait pas encore la date. Ouais. Mais je me demande s'il n'en avait pas marre. Il s'est dit j'en ai marre d'être avec cette bande de loustiques. Je vais faire une émission à moi tout seul. Ah, voilà. Peut-être, c'est ça. Peut-être. Il voulait être calife à la place du calife, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Bon, Stéphane, on salue au passage, évidemment. Alors, Onissa, tu nous parlais de Winnie l'ourson. Alors là, on fait vraiment un bond en arrière, puisque moi, ça date quand même perpète. Enfin, ça. Ah ouais. Bah ouais, donc une quinzaine d'années déjà. Hein, moi, j'aimerais savoir quand même quel était votre personnage préféré dans. Waouh. Moi, c'était Tigrou. Et pourquoi? Ah ouais, j'aimais bien. Moi, c'était vraiment le personnage qui bondissait partout. C'était l'hyperactif. C'est ça, l'hyperactif. Ça, hein, ça te ressemble bien en plus. Ouais, c'est ça. Vrai, c'est qui sautait sur sa queue à chaque fois comme ça. Ah. Ouais. Enfin, toi, t'essayais, t'étais petit encore. Oui, bien sûr. Enfin, il essaye encore toujours d'ailleurs. Et toi? Et ben moi, je t'avouerais que j'étais pas fan, je pense, parce que y a pas un personnage qui m'a marqué plus que l'autre. Ce qui m'a marqué quand même à l'époque, c'était narré par Jean Rochefort. Oui. Et ouais, sur France 3, c'était Jean Rochefort qui faisait la narration. Et qui présentait les épisodes de Winnie l'ourson. Un personnage préféré, t'as toujours une préférence? Jean Rochefort. Non, sincèrement, elle est peut-être porcinée, parce que je le trouvais mignon. Enfin voilà, peut-être, je sais pas. Avec son bégaiement. Attachant, un peu maladroit. Ouais, c'est ça, un peu comme ça. Toi, Sherlock, en fait. C'est ça. Bah, disons, il fait tout, lui. Il fait porciné, il fait gros. il est multifacette. Oui. On va poser la question, tiens, justement, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Si vous vous rappelez de Winnie l'ourson, donnez-nous le nom du personnage que vous préfériez, tiens. Et pourquoi, surtout, parce que ça nous intéresse, surtout moi, parce que moi je me rappelle plus vraiment des personnages, mais pourquoi pas utiliser la page Facebook, elle est aussi faite pour ça, c'est aussi pour... Moi je me souviens, ça passait sur TF1, le dimanche matin, c'était Disney et vous, quelque chose comme ça. Un truc dans le genre, ouais, c'est ça. Et il y avait Winnie l'ourson qui passait. Et moi, c'est encore l'actualité, les gens, ils sont... Ça traverse les générations, bien sûr. Ça reste... C'est plutôt bon enfant, hein. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, je pense que les enfants de bas âge s'y retrouvent quand même. Oui, parce que ça permet quand même de... Allez, il y a toujours cette tendresse, cette candeur que tu ne retrouves pas dans certains dessins animés, quoi. Qui sont plaisants, quoi. C'est vraiment... Et le générique, c'était ça. Bonjour à vous, venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. Bienvenue sur Radio Ringard. tout de suite. Mais non, mais ça rappelle des souvenirs. Ne quittez pas l'antenne surtout. Vous êtes bien sur RLM, je précise. Voilà, c'est important quand même de le dire. C'est horrible, j'adore. Et il arrive à nous trouver les génériques comme ça. Là. Il est balèze quand même, Sherlock. J'ai une base de données de génériques que je suis encore en train d'étoffer. Hein, mais... C'est bien. C'était bien. Merci. C'était très très bien. Vous, c'était très très bien. Vous là-bas, c'était. Vous, c'était moins bien. Vous, par contre, c'était très très bien. Ce sera beaucoup mieux là maintenant, puisque tu vas nous faire une petite pause musicale. Oui, alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était deux ados. Ouais, David et Jonathan. Non, pas du tout, dans les années 90. Ah, 90, ouais. 90. Français? Non, américain. Ouais. Deux petits blacks qui portaient leur jean à l'envers. Oui, ça dit quelque chose. Ils mettaient l'arrière devant. Mm-hmm. Et ils s'appelaient tous les deux Chris. Ouais. Mais le groupe s'appelait Chris Cross en fait. Chris Cross, ouais, bien sûr. Et c'était Jump. Et est-ce que vous vous souvenez de ça? Eh bien écoutez, ça donnait ça. Ah ouais, excellent. Jump, jump.

hier sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, vous êtes toujours sur RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et là, je vais vous parler d'un film. Ouais. Alors, un film des années 90, ouais, plus précisément de l'année 1991. Et je vais pour ça vous donner même la date exacte, le 25 novembre. Un mercredi. C'est ça. Alors, je peux vous dire que la musique est de Hans Zimmer. Ah, j'adore. Ah oui, qui a fait les Pirates des Caraïbes, entre autres. C'est ça, ouais. Effectivement. Il a fait ça. Alors, mais par contre, là, je vais pas vous passer l'extrait, je vous le passerai après. Ouais. Je vais peut-être vous donner quelques noms d'acteurs et d'actrices. Il y a Rebecca De Mornay, Jennifer Jason Leigh, Donald Sutherland, Robert De Niro. Ouais. Quand même, c'est un beau casting. Et j'ai pas donné les deux principaux. Un thriller ? Non, pas vraiment. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que le film a fait 1 194 939 entrées au box-office français. Ah, c'est pas J'étais mal, à l'entrée des salles en train de cliquer. Il a eu 5 nominations, 3 aux Oscars, une à Deauville et une aux BAFTA Awards. Les BAFTA Awards, c'est en Angleterre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc, c'est un film policier, alors ? Deauville, c'est pas spécialité film policier, non ? Non, c'est le film américain. Oh, ah oui, c'est vrai. Film américain de Deauville. Alors oui, il y a un petit peu de policier dedans quand même. C'est pas un film policier à proprement parler, mais il y a une petite enquête quand même qui est menée tout au long du film. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le film est un film de Ron Howard. Ah bien. Ah oui, Fonzie. Non, c'est le copain de Fonzie. C'est ça. Ouais. C'est Richie Cunningham. Richie, c'est ça. Ouais. Richie Cunningham. Qui a fait Godzilla, il me semble. Oui, Apollo 13. Oui, exact. Ouais, entre autres, bien sûr. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah. Non. Toujours pas ? Non. Bon, c'est pas grave. Alors écoutez, on va se passer une petite musique. Et on reviendra tout de suite après ça. Donc ce sera après KS Choice et Not an Addict. Et là, je vous passerai des extraits musicaux du film, donc des musiques et des extraits de dialogue. Et vous essayerez de retrouver tout ça. C'est parti. fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Ce que vous entendez à l'antenne, c'est le groupe Cream avec Sunshine of Your Love. Le groupe Cream, c'était le groupe de Eric Clapton. Ah ouais, ah bah tiens, ouais, ça me faisait penser un peu au riff de Cocaine, justement. Ouais, c'est, ah ouais, ouais, tu, ouais, c'est ouais, dans l'esprit. Ça, ouais. C'est dans l'esprit, effectivement. Et donc, ça fait partie intégrante du film. On l'entend dans le film. Ah ouais, d'accord. Là, j'aurais pas su le dire. Mais, C'est une musique qu'on doit entendre à la radio, quelque chose comme ça. Ouais, certainement, mais, ouais. Ouais, certainement, ouais. Mais oui, effectivement, ça on l'entend dans le film. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? La musique non, mais le film oui. Ouais, non mais bon. J'ai eu le temps de réfléchir pendant la pause musicale, hein, évidemment. Ouais, forcément. Alors je vais vous passer un extrait de dialogue, écoutez bien. On peut pas dire que ça a été une partie de rigolade, hein. J'ai attendu. J'ai fait qu'attendre. C'est pas grave, t'en fais pas pour ça. Mais tu y es allé, toi. T'as été jusqu'au bout, Stevie. T'as vraiment été un héros aujourd'hui. Brian, j'ai pas fait ça pour être un héros. J'y suis allé pour essayer de sortir un gamin. Je fais ce que je fais parce que c'est dans ma nature. Papa aussi était comme ça. Tout le monde n'a peut-être pas ce tempérament. Papa était comme ça. Attends, il t'a raconté ça pendant une séance de spiritisme. D'accord, très bien. Tu disais que t'avais besoin de savoir quelque chose. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu un autre gamin là-haut? Alors ouais, c'est avec des pompiers ou quelque chose, non? Oui, ouais, bah oui. Et en fait, oui, mais bien, je vois très bien l'image. Et c'est un. Ouais, ouais, je vois. Ça se passe à la Sainte-Barbe. Qui est un. La Sainte-Barbe, c'est le. C'est le chef des pompiers. Enfin, ouais, c'est le saint des pompiers. Saint, ouais. C'est le saint des mineurs. Ah, mais aussi des pompiers. C'est le saint des mineurs. Bah, la Sainte-Barbe, en général, les pompiers. C'est le 4 décembre, la Sainte-Barbe. Ah oui, d'accord. C'est la Sainte-Barbara maintenant. D'accord. La Sainte-Barbara. Fallait que je la fasse, celle-là. Ouais, ouais. Alors écoutez, il y a également cette musique pendant le film. Pour une fois que j'ai vu un film. Ah, j'adore. Musique qu'on entend aussi dans les Sister Act. Exactement. Ouais. Mais peut-être pas cette version-là. Non, non, non. Et là, c'est Martha and the Vandellas et c'est Heat Wave. C'est bon. Alors, est-ce que. Ah oui, bah forcément, maintenant ça dit quelque chose. Alors. Je vais vous passer le. Je pense que c'est l'extrait. Le plus emblématique du film, c'est celui-ci. Que je me trompe pas, c'est celui-ci. Laisse-moi tomber, Steven. Tu tombes. On tombe. Tu tombes, on tombe. Ah, c'est tout? Ah ouais, bah oui. Ah bah. C'est le moment le plus emblématique. Et... Ah ouais, je m'attendais à un... Ah ouais, c'est ça le... Ouais. Attendez, j'ai un extrait emblématique. Bonjour. Ah ouais. Mais non. C'est le tu tombes, on tombe. C'est l'extrait, je crois, qui... Ah, tu trouves que c'est marque... Ah ouais, ouais. C'est l'extrait, je pense, qui marque le plus pendant le film, en ah fait. Ah ouais, non. Et la musique du film de Hans Zimmer, c'est celle-ci. Alors, je vais vous donner le pitch en attendant du film, donc, qui est avec Kurt Russell et William Baldwin. Donc, c'est deux frères, donc Stephen, qui est joué par Kurt Russell, et Brian McCaffrey, qui se destinent au métier de pompier après avoir assisté à la mort tragique de leur père, officier d'élite dans la 17e caserne des sapeurs-pompiers de Chicago. 20 ans plus tard, si Stephen est devenu un pompier émérite, Brian vit de petits boulots. De retour à Chicago, il décide néanmoins de reprendre son entraînement sous l'œil sceptique de son frère. Mais celui-ci doit également se concentrer sur une nouvelle vague d'incidents criminels qui frappe la ville. Des flammes éclairs, qu'on appelle donc... Oui, non, des retours de flammes, j'imagine. Des oui, backdrafts. C'est ça, des retours de flammes, c'est des backdrafts. Et donc... Ces incendies qui s'éteignent d'eux-mêmes dans le propre souffle de leur explosion terrassent un à un d'anciens collaborateurs du maire. Voilà, est-ce que ça vous disait quelque chose? Oui, bien sûr. C'est prenant. Quand tu m'as parlé déjà des acteurs et Hans Zimmer, j'ai fait le rapprochement, évidemment, Backdraft. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après une petite musique. Ouais. Je vous donnerai quelques anecdotes sur le film. Ah ben ça marche. Alors j'en profite, puisqu'on vient de recevoir un petit message. Il y a quelques auditeurs qui nous envoient des petits messages et ça fait plaisir par l'intermédiaire donc de notre page Facebook, hein, oui. L'émission 120 au compteur, n'hésitez pas. Ben, y a les Didis. Les Didis, Patrick et Cyril qui nous écoutent. Voilà. Donc on va peut-être les recevoir peut-être dans une prochaine émission, puisque ce sont de merveilleux musiciens qu'on retrouve. Et qui tourne un peu partout. Donc il y a un claviériste et un batteur qu'on avait eu l'occasion déjà de recevoir dans une vie antérieure. Voilà. Et qu'on recevra très certainement dans les semaines à venir. Ça nous ferait bien plaisir. Donc on les salue, les Didis. Ok, et ben on se retrouve tout de suite après Pascal Obispo et Plus que tout au monde. Plus que tout. Oh, toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, donc vous êtes toujours sur RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et donc là, je vais vous donner des anecdotes sur le film Backdraft dont j'ai essayé de vous faire deviner tout à l'heure. Donc le film a donné lieu à la création d'une des attractions du parc Universal Studios situé à Hollywood. Cette attraction a malheureusement fermé en 2010. Ah ouais. Où, il y avait des flammes qui... Qui a pris feu l'attraction. Non, mais les spectateurs en fait étaient dans, tu sais, une sorte de petit train. Ouais. Ils se baladaient à travers les attractions. Il y avait eu un truc avec un métro qui était un peu submergé et tout ça. Oui. Et il y avait une pièce avec Backdraft, où là, c'était des flammes qui étaient vraiment un peu partout. Donc, tout était chorégraphié, justement, pour en mettre plein la vue aux spectateurs. Alors, il faut savoir que Michael Keaton, Robin Williams, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Jeff Bridges, Nick Nolte, Bruce Willis, Patrick Swayze, Mel Gibson, Harrison Ford, Emilio Estevez, Christophe Lambert, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ont été envisagés pour le rôle de Stephen McCaffrey, qui est revenu à la fin à Kurt Russell. Ah ouais. Il y a quand même eu du monde sur le rôle. Lambert à la place, je croyais. Christophe Lambert, oui. Ouais. Et puis alors Van Damme encore. Alors par contre, il y a eu Tom Cruise, Val Kilmer, Matt Dillon et Johnny Depp qui ont tous les quatre refusé de jouer le rôle de Brian qui a été pris par William Baldwin. Non, pas Brian in the Kitchen. Oui, Brian. Robert Downey Jr. et Keanu Reeves ont également été testés pour le rôle de Brian McCaffrey. C'est d'ailleurs Alec Baldwin qui devait jouer le rôle avant d'abandonner celui-ci et le laisser à son frère William. Donc c'était quand même un des frères Baldwin qui devait le jouer. Ouais, ça reste en famille. Ouais. Ouais, voilà. Alors beaucoup de participants dans le film sont de vrais pompiers de Chicago. Un casting a été lancé avant le début du tournage et d'autres pompiers de banlieue ont participé au cortège funèbre durant le film. Il y a un cortège qui est organisé. Le personnage de Robert De Niro, Don Rimgale, est aussi un réel enquêteur d'incendie criminel au bureau d'enquête du département du feu à Chicago. Il apparaît aussi dans le film et le scénariste Gregory Whedon était pompier pendant 3 ans et donc son histoire est basée sur la mort véritable d'un ami. Donc Backdraft s'est tiré d'un fait réel à la base. Bon, c'est un peu romancé autour. Oui, forcément, mais c'est un peu le cas de tous les films. Pour entraîner les spectateurs dans l'intensité de l'action et du feu, un caméraman a été équipé d'un costume ignifugé et s'est baladé dans les flammes avec une caméra à l'épaule. Pendant le tournage, les acteurs Kurt Russell, Scott Glenn et William Baldwin avaient beaucoup de cascades à exécuter eux-mêmes. Le coordinateur des cascades, Walter Scott, a été si impressionné par leur performance qu'il a décidé de les créditer en tant que cascadeurs au générique de fin. Ils sont notés dans les cascadeurs. Dans la version télévisée du film, il y a une scène supplémentaire où les pompiers vont chez la veuve d'un pompier décédé pour l'aider avec sa maison. Ça, elle apparaît pas dans la version cinéma. Ron Howard a fait don de certaines recettes du film à son service d'incendie local. William Baldwin et Kurt Russell sont allés à un camp d'entraînement de pompiers pour apprendre les ficelles du métier. Ils ont même dormi dans une caserne de pompiers de Chicago pendant environ un mois. Et enfin, donc, la société de production a été... entièrement rénové 6 appareils d'incendie et après avoir terminé le tournage en a donné 5 au service des incendies de Chicago qui en a utilisé 4 comme équipement de première ligne pendant plusieurs années et 1 comme pièce de rechange. Le seul qui n'a pas été donné à la ville était le camion qui a été renversé dans le film. Ils vont pas le donner dans un état. Ils auraient pu le donner pour pièce. Ils auraient pu le donner pour pièce, mais ils ont retapé les camions qu'ils avaient utilisés dans le film et ils les ont offerts aux pompiers de Chicago. Ouais, cool. Moi je dis c'est bien. Bon. Ouais, sympa. Ouais. Sympa. Donc le film Backdraft, tu l'avais vu. Oui, franchement, c'était un bon film. Et au Québec, il y a un autre titre hein, parce que vous savez que je crains le pire. Les Québécois n'aiment pas les titres anglais. Ça s'appelle Pompiers en alerte. Ouais, enfin c'est pas idiot hein, après. Ouais. Enfin, ça fait moins accrocher. En français, ça aurait été Retour de flamme, ça aurait été pas mal. Retour de flamme, ça aurait été sympa. Ça aurait été bien. Mais bon, après nous français, on aime les titres anglophones, hein, y a rien à faire, comme par exemple Sausage Party. Ah, il y avait. C'est vrai. Le film cul. Tu pourras nous parler de Sausage Party maintenant, en fait. Je pourrais en parler. Ah, bah, ça c'est bien. Je suis content d'en parler, effectivement. Oui, mais c'est pas cool parce qu'arrive à trouver. Il y a des chances. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que les Québécois ont la tendance, enfin, ont la fâcheuse tendance tendance de mettre des titres en français alors qu'à la base c'est en anglais, on c'est peut vrai. Le comprendre. Ouais. Dirty Dancing, c'est devenu Danse Lascive. C'est ça. Grease, je crois que c'est devenu Graisseux. Ouais. Ah non, je crois que c'est vrai. Ouais, je pense. Ah, c'est, voilà, c'est, ouais, c'est un truc comme ça. Ah ouais, tu crois? Ouais, ouais. Donc, enfin, ouais. c'est un peu dommage. Oui, bah oui, mais c'est parce que eux, c'est dans leur culture. Mais nous, ça nous choque. Mais bon, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Effectivement, là, je comprends qu'ils aient changé. Mmh. Parce qu'au Québec, les gosses ne veulent pas dire la même chose. Ouais, exactement. C'est plus délicat. Bon, on va se retrouver donc tout de suite après une coupure musicale et ce sera après Sinclair. Et si c'est bon comme ça, Oui. Et je vous mettrai même ça change. Bah oui, effectivement. Ouais. Et je vous mettrai même un deuxième titre. Allez, c'est pareil, c'est bon. Il est un peu fêlé, elle n'est pas diplomate, il n'est pas diplômé, elle fume de gros cigares. Quand elle sèche la fâche, il abuse des pétards. Mais bosse comme un maniaque, si c'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. Il aime le fond parler, ne parle à personne. Ils sont souvent chics, mais rarement en même temps. Ils n'ont jamais d'Afrique, mais en dépense pour ça. Si c'est bon comme ça, ne faut pas que ça change. Si c'est bon comme ça, première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Dans l'émission 120 au compteur et on est content de vous retrouver avec Onissa. Hello. Avec Sherlock. Oui, bonsoir. Alors il y a aussi notre petit Canon mais qui n'est pas là ce soir, oui. Qui est au soleil du côté en Afrique du Nord, à Marrakech. Ouais. Donc ce petit vénard, mais il sera là avec nous donc la semaine prochaine. Alors moi je vais prendre l'habitude aussi de faire des petites chroniques que j'appelle inattendues parce que ça m'amuse, c'est comme ça. Et puis moi je suis un peu passéiste, j'aime bien parler du temps passé. Et là je vais vous parler d'une gourmandise. Allez, on va dire qu'on l'a connue dans les années 80, quoique elle est née en 1971. Rappelez-vous, c'était des petites boules de soja soufflées enrobées de chocolat. Est-ce que ça vous parle ? Des boules de soja soufflées. Ouais, c'était du soja soufflé enrobé de chocolat. Alors il y avait au cinéma à l'époque, quand vous alliez au cinéma, il y avait toujours cette publicité. Alors il y avait évidemment les pop-corn baf. Ouais. Ou tu avais le pop-corn qui faisait du surf. Là, voilà. Et là, il y avait cette petite boule de chocolat qui faisait un malheur à l'époque. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. C'était les Alors, les frites. Alors non, justement, tu fais bien de parler des Treats, qui sont donc les M&M's d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. C'était pour faire concurrence à Treats, justement, qui marchait très très bien, qui appartenait à Nestlé, et qui appartient toujours à Nestlé d'ailleurs. Eh bien, c'était les Picorettes. Ah oui. Vous vous rappelez des Picorettes? Oui, les Picorettes, ouais. Ah ouais, si si, non, ni ça, ça te parle pas? Non, pas du tout. Alors les Picorettes, faut savoir une chose, c'est que à l'origine, donc les Picorettes, il y avait un S à la fin, et puis ils ont enlevé le S pour des raisons plutôt graphiques. Donc c'est devenu Picorette au singulier. Ça avait été lancé donc tout simplement par Mars pour concurrencer donc les Treats par Nestlé. Et donc en 1994, ça a disparu pour des raisons sanitaires. Alors j'en sais pas plus. Ah bon ? Ouais, je pense qu'il y a dû avoir des petits problèmes le jour des productions. Et donc les Picorettes sont devenues au Malteser. Et bah exactement. Et ben en fait c'est le groupe Mars qui a effectivement arraché la licence pour le faire devenir des Malteser. Et en fait Malteser, ce sont les Picorettes. Ah ouais. Ouais, et oui. Mais ça a gonflé parce que c'était plus petit les Picorettes. Oui, oui, absolument, absolument. Ouais, Malteser, c'est des petites grosses boules. Hein. Voilà, ouais. Et donc, en 1997, donc Picorette, en fait, en réalité, devient Kit Kat Balls. C'est bon d'avoir les boules. Ah non, c'est pas ça. C'est Kit Kat Balls, ça devient Kit Kat Balls. Ah, ouais. En fait, d'année en année, tac-tac, c'est devenu, et en réalité, aujourd'hui, des Kit Kat Balls sont ni plus ni moins que les Picorettes. Voilà. D'accord. Mais vous vous rappelez quand même des Picorettes. Et alors, on s'amusait forcément quand on les mangeait parce qu'on faisait comme dans la publicité, c'était de les lancer et pour les recevoir dans la bouche. Oui, mais tu vois, c'est marrant. Il y en avait plein par terre de cette-là. Mais j'ai le nom Malteser, j'ai pas le nom. Ah ouais, mais pourtant, si. Mais bon, en même temps, ça date d'il y a plus de 40 ans. Donc, oui. Ah oui, je suis trop jeune. C'est ça. T'étais trop vieille pour aller au cinéma, c'est ça, à l'époque. Ah non, mais il y a, puis je vous parlerai de plein d'autres friandises qu'on a connues à l'époque. Et les popcorn baff, évidemment, oui. Ça aussi, ça marchait super bien. Mais ils en ont ressorti avec ce. Ah. Ah non, je passe. Ouais, c'est non, ça. Non, attends, pas Belin. Malzen. Ah bah vas-y. Ouais, Balzen, mais ils ont refait ça, mais ça, on en a pas. De quoi, les popcorn baff? Ouais. Ah oui, ah ouais, ça existe, ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Mais ça s'appelle pas popcorn baff. Si, si. Ah, si, si. Ça s'appelle toujours comme ça. Ah oui, oui, bien sûr. Popcorn baff. Mmh. Je crois que c'est Balzen, ouais. Il y avait des trucs au début des films, c'était les popcorn baff, ouais. Jean Mineur. Et oui, bien sûr. Absolument. Ah oui, Jean Mineur. Et attention, vous vous rappelez quand même des chocolatis. Les chocolatis, ça me dit quoi? Ah, chocolatis, oui, c'était des petits carrés de chocolat, là. Ah oui, non, moi, je me souviens, c'était les Rolos. Aussi, ouais. Les Rolos, d'ailleurs, il y a eu des pubs épiques avec les Rolos. Ah, c'est possible, ouais. Ah, ouais. C'était excellent. Moi, je me souviens, c'était justement, j'avais vu ça à un cinéma, et ça se passait dans un cinéma, où tu voyais donc un type qui était avec sa copine, et donc il était en train de manger des Rolos. Et là, il y a une bombe, une femme qui se met juste à côté de lui, à sa gauche. Ouais, Bonissa. Et puis, et lui, il donne son dernier rolo à sa copine. Et il y a la bombe qui vient juste après avoir donné le dernier rolo. Il regarde la femme, il regarde sa copine, il re-regarde la femme. Et là, il saute sur sa copine pour aller lui repiquer le rolo dans la bouche, pour aller le donner à la femme, quoi. Et là, je pourrais dire, Rolo, c'est toujours aussi bon. On va refaire des slogans ici. Ouais, c'est ça. Bon, et ben voilà. Donc, c'était la petite minute gourmandise, ma petite chronique inattendue des Picorettes. Mais je connaissais pas le nom. Ah, bah, tu regarderas sur internet, tu regarderas les pubs. Il y a encore des pubs, et puis tu diras, mais oui, évidemment, ça te parle. Et ben, on se retrouve tout de suite après une coupure musicale avec Muse et Uprising. Allez, c'est très bien ça. We'll be right back. RLM 107.9 FM. RLM. Et oui, dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs maintenant, donc de 20h à 22h, donc c'est un rendez-vous maintenant qu'il va falloir prendre, hein, puisqu'on a démarré donc la semaine dernière, et croyez-nous, bah nous on est parti pour plusieurs années sur les ondes de RLM, j'espère que ça vous plaît. Nous, ça nous intéresse aussi d'avoir votre retour, n'hésitez pas à nous balancer vos coms hein, sur la page Facebook qui est faite à cet effet, Donc voilà, c'est très simple, hein, vous allez sur Facebook et vous tapez donc émission 120 au compteur RLM et puis vous allez nous retrouver, vous retrouverez donc des photos et puis quelques commentaires déjà sur l'émission. Et puis on sera un plaisir évidemment donc de relayer l'information en direct sur l'antenne. Si par exemple il y a une actualité autour de vous, hein, s'il y a un événement qui s'annonce, eh bien n'hésitez pas à nous passer l'info et on sera un plaisir de la communiquer sur l'antenne. Oui, voilà, sympa. Voilà. Effectivement. Alors effectivement, c'est une émission musicale, forcément, donc on couvre toutes les années, des années 80 à aujourd'hui. Et justement, je voulais vous parler d'un groupe qui fait parler de lui, mais qui a fait parler de lui depuis la fin de l'année dernière, et c'est le groupe Backgraders. Je ne sais pas si ça te parle, Nissa. Non, moi ça ne me dit rien. Oui, ça te parle, oui, ça évidemment, avec le titre Shooting Stars, qu'on entend alors régulièrement maintenant, évidemment. Donc c'est un groupe australien à l'origine, qui a été fondé donc en 2006. C'est très simple, ils sont deux, hein. Il y a un claviériste et il y a un batteur, et tous les deux aussi remixent, ils remixent leurs titres. On entend actuellement un titre qui s'appelle donc Shooting Stars, qui est sorti en réalité en 2010, mais qui a une renaissance, on va dire, en 2017 grâce à une publicité pour un réseau internet très connu, oui, n'est-ce pas. Et j'ai un petit coup de cœur pour ce titre-là parce que je le trouve vachement sympa. Vous allez le reconnaître évidemment, donc c'est les Backgraders avec Shooting Stars. Allez, c'est parti. C'est celui. J'ai un peu de mal, hein. C'est celui-là. Thank you. première sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Eh oui, sur l'antenne de RLM, on vient d'écouter les Bag Raiders avec Shooting Stars. Et bien sûr, vous avez reconnu ce titre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, oui, on l'a vu. J'adore ça. Hors antenne, ça m'a éclaté. Ouais, j'avais envie de danser là-dessus. T'es pas le seul, hein, dis donc. Pourtant, Dieu sait que je suis pas forcément musique d'aujourd'hui. Mais pour le coup, je trouve que c'est un titre qui il mélange un peu tout. Il y a un peu côté électro, un peu côté guitare après acoustique. Moi, j'aime beaucoup ce titre-là. Donc, ouais, moi aussi. Je vous invite à le découvrir, ce groupe, si vous ne connaissez pas encore, hein, vous allez sur internet et vous tapez donc Bag Raiders, donc les aventuriers du sac. les aventuriers du sac, donc voilà. Oui, bon, c'est un drôle de... Il vaut mieux le garder, tu vois, ce serait au Québec, on les appellerait les aventuriers du sac. Mais en France, on va dire les Bag Raiders, avec donc le titre que vous venez d'entendre, Shooting Stars. Donc un titre, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, il est sorti en 2010, mais a fait ses heures de gloire en fin d'année dernière, en 2017. Ouais, voilà. Des petites infos, tiens, dis donc, t'as une belle info toi sur Moucron. Il va se passer au centre expo de Moucron. C'est ça, donc au centre expo de Moucron, ça va se passer donc courant du mois de mai. Ce sera les 19 et 20 mai à Moucron. Ce sera le World of Geek. C'est une convention avec plein d'invités. Il y aura notamment, alors pour ceux qui connaissent, il y a quelques youtubeurs qui seront là, notamment David Lafarge, est connu pour les Pokémon. Ah ouais. Donc David Lafarge Pokémon, Miss Jirachi, Petit Quick, Winate, New Titeuf, Deolink, Sifano, et il y aura également Bernard Minet. Yoann. Yoann. Ah oui, j'adorerais. Bah tiens, dis donc, on pourrait peut-être l'avoir en interview, ce serait sympa. Et par contre, il y a aussi lors de cet événement une rencontre pour FIFA et la PS, non pas FIFA, c'est le jeu de foot. Il doit y avoir un concours. Parce qu'en fait, ils font pas que les trucs de geek, ils font un peu tous les mangas et tout ça. Mm-hmm, ouais. Mais il y aura quand même une bataille. Ça regroupe quand même le monde des geeks. Enfin, je veux dire. Oui, mais c'est pour éviter. C'est manga, jeux vidéo. Voilà. Ouais. C'est parce que souvent aussi, les gens quand tu dis geek, ils disent. Il y aura normalement la DeLorean qui sera là, de retour vers le futur. Mais la vraie de vraie. Je sais pas, ça doit être une réplique, je pense. Une réplique, certainement. Et la voiture de Harry Potter. Oui. Ah, parce qu'il a une voiture, lui. La voiture des Weasley. Mais il est un peu jeune pour avoir le permis, lui, non? Ah non, mais c'est une voiture volante. Ah, en plus. Ah oui, réfléchis. Ah ouais, d'accord. Celle qui se fait matraquer par l'arbre cogneur de Poudlard. D'accord. Bah écoute, ça, c'est un rendez-vous que j'ai pas envie de rater. Rappelle-nous les dates. C'est le 19 et le 20 mai. Au centre expo. Ah ouais, c'est là où ils font de temps en temps des super apéritifs. Oui, c'est ça. Il y aura le bœuf gras d'ailleurs bientôt. Ah, le bœuf gras, absolument. Oui. Bah, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller donc sur le www.worldofgeek.be ou sur la page Facebook World of Geek. Ok. Oui, ça va être intéressant, c'est sympa. Ouais, puis ça bouge, quoi. Donc c'est chouette. Oui. C'est vraiment sympa. Alors moi, j'étais allé dans une autre convention, mais en gros, c'est à peu près, il va y avoir à peu près la même chose, je pense. Je pense qu'il y a également des gens qui construisent des robots de Star Wars. J'avais posé moi avec R2-D2, mais il y a vraiment plein de trucs vraiment sympas. Ah, moi, je vais bien poser avec l'IA. Oui, là, ça va être un petit peu plus compliqué maintenant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est sûr. Bon, en même temps, R2-D2, c'est pas le vrai non plus avec lequel t'es posé. Non, il y avait personne à l'intérieur. Mais eux font les vrais droïdes qui avancent tout seuls. Enfin, et ils ont vraiment fait les trucs comme ça. Enfin, ils ont collé un aspirateur à l'intérieur, c'est tout. C'est ça, peut-être, ouais. Bon, laissons rêver quand même. On va se retrouver tout de suite après une chanson qu'on a utilisée, nous, pour nous annoncer sur Facebook. Ah ouais, notamment. C'est laquelle ? C'est Dirty Beat, The Time, des Black Eyed Peas. C'est une reprise, c'est ça, de The Time of My Life. Ah ouais, c'est ça. Donc on se retrouve juste après Black Eyed Peas avec The Time, Dirty Beat. This is international. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I Toujours donc sur RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et là, je vais vous parler des sorties ciné de demain. Youpi! Et je vais commencer par la Belgique. Bien que ça va sortir aussi en France, le film dont je vais vous parler. Mm-hmm. Et encore, il est déjà sorti en France. Il va ressortir. Non. Non, le truc en fait, c'est qu'il sort. Ouais, en Belgique, il sort des films en avant-dernière. Alors, en fait. Non. C'est juste qu'il sort en Belgique mercredi, mais ouais. Il est sorti vendredi en France. Ah bah oui. Je vais vous parler de La Ch'tite Famille. Ah bah oui. Avec Danny Boone. Valérie Bonneton, Pierre Richard, j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a Lynn Renault. Oui, Pierre Richard qui joue le père de Danny Boone. Ouais. Pierre Richard qui est du Nord, hein, il faut le savoir. Ah, il est pas très crédible. Moi, j'ai vu l'extrait. Le truc, c'est que ça lui va pas du tout. Alors, le truc, c'est qu'il ne parlait pas ch'ti quand il était jeune, parce qu'il vient d'une famille qui est un peu aisée, et ses parents voulaient pas qu'il parle ch'ti. Ouais. Donc, il a dû apprendre à parler ch'ti, en fait, pour le film. Donc, c'est un film de Danny Boone. Ça sort donc en Belgique demain. C'est sorti vendredi en avant-première en France. Dans le nord de la France. Donc c'est Valentin D et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue qui prépare le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines. Pardon, c'est compliqué. Je suis sorti, j'ai la langue qui gèle. Sur ses origines prolétaires et ch'ti. Alors quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que jamais. Oh mon Dieu. Donc là, on va entendre un peu tout le monde qui va parler ch'ti et... il y a limite, il faudrait peut-être un sous-titrage pour les gens parce que bon, nous, ça va. Comme on est du coin. Oui. On est du coin, donc ça va, on comprend. Mais c'est vrai que je pense qu'il devra faire un sous-titrage pour le reste de la France et peut-être les autres pays francophones. Hein, je ne sais pas si ça va sortir. Ouais, je ne sais pas, ouais, peut-être. Je sais pas si ça va sortir en Suisse ou Luxembourg. Oui, c'est une comédie. Hein. Ouais, voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler du film Red Sparrow. Qui sort en France, non, qui sort en Belgique demain, pardon, et en France qui sortira le 4 avril. Ah ouais. Alors, c'est avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton et Mathias Schoenaerts. C'est un film de Francis Lawrence, rien à voir avec Jennifer Lawrence. D'accord. Je pensais que c'était son père ou un frère, mais pas du tout. Il n'y a rien à voir avec Rose Lawrence non plus. Non plus, non. Ni avec Lawrence d'Arabie. Alors donc c'est une jeune ballerine dont la carrière est brisée net après une chute, qui est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un des meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux. Oui, Red Sparrow. Ouais, film d'action quand même. Non, c'est pas la rien à voir avec Jack Sparrow. Pas du tout non plus, non. Ouais, moi je pensais aussi. <C'est cool. rire> Non. Là, ça parle d'espions russes, américains et tout ça. Donc rien à voir avec ça. Donc ça, c'est les sorties. Ça, c'est en pour Belgique. Les sorties Belgique. Et donc, bah, juste après les Daft Punk et Get Lucky, on se retrouvera pour les sorties France. Super. Allez, c'est parti. Yeah. Like the legend of the Phoenix. Beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We are. musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et oui, toujours dans 120 au compteur sur RLM 107.9. Et là, donc, je vais revenir sur les sorties ciné pour la France. Youpi ! Yeah ! J'adore. Alors, oui, effectivement, donc, ça sort en France et en Belgique demain. Et je vais commencer donc par le film. C'est sûr que tu fasses une partie France, une partie Belgique, si tous les deux sortent en France et en Belgique en même temps. Ouais, mais pas tous. Bah ouais, mais je peux pas tout dire pour la Belgique non plus d'un coup. Oui, c'est vrai. Écoute. Sinon, après, j'en ai plus pour la France. Bah oui. Donc, il y a le film Gangsta. C'est avec Matteo Simoni, Nora Garib, Nabil Mala. C'est donc un film de Adil El Harbi. Adil El Harbi, voilà. Ça se passe à Anvers. Bon, il faut voir Anvers, hein, juste pour l'endroit. Donc, la France, c'est pour la France que tu avais sorti. Mais tu connais pas ça? Ah non, c'est une blague de Coluche. Elle est bonne. Ah, il faut voir Anvers juste pour l'endroit. Ouais, c'est pas mal. Elle est mopette. Non, elle est bonne. Elle est bonne. J'avoue. Donc, mais si c'est le Belge qui va dans le Pas-de-Calais. Ah non, mais je sais pas. Mais la blague, elle est bonne. J'avoue que le jeu de mots, il est sympa. Voilà. Comme il y a beaucoup de boîtes à gants. Ouais. Non mais les garçons, s'il vous plaît. On arrête. Donc ça se passe donc à Anvers, c'est quatre amis d'enfance fans de Scarface, film sorti en 83. Ouais, qui était ton ami d'ailleurs. Oui, et donc qui sont petits dealers qui se rêvent en futurs parrains du crime organisé. Mais leur légende se transforme en cauchemar quand ils volent un chargement de cocaïne, déclenchant la guerre avec un baron de la drogue à Amsterdam et les cartels colombiens. Donc c'est un film d'action. Avec teinté un peu d'humour aussi. Mmh. Bah ouais, si c'est un film belge déjà. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Mais non, ça a l'air vraiment sympa. Vraiment beaucoup d'action dans ce truc-là. Des et les acteurs, c'est qui partout. Rappelle-nous. Moi, je connais pas, hein, personnellement. C'est Matteo Simoni, Nora Garib et Nabil Mala. Ah, mais, ouais, pas tellement connus. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils sont connus plus sur la Belgique. Je ne sais pas si c'est pas des youtubeurs d'ailleurs. Ah ouais. Si tu le dis, peut-être. Alors, et ensuite, je vais finir avec le film Hurricane. C'est avec Toby Kebbell, Maggie Grace et Ryan Quanten. C'est un film de Rob Cohen. Ça sort également en Belgique demain. Et donc, profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les États-Unis, une équipe de braqueurs d'élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif, un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Wow. Wow. Dans la ville désertée, casée une des convoyeuses de fond et Will, un météorologiste de génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour survivre au milieu de cette tempête du siècle et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leur fin. Là aussi, gros film d'action, bourré d'effets spéciaux, hein, avec un ouragan. Enfin, c'est vraiment. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. Enfin, on était allé voir Black Storm ensemble au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Non, c'était pas en off-site, mais. Bah, j'étais agréablement surpris. Oui. Il y a eu un moment où il y a eu une scène qui m'a même un peu fait suffoquer, vraiment, réellement. Ouais. C'est vrai qu'il était bien fait. Je reconnais, mais vraiment suffoqué. C'est-à-dire qu'il y a une scène où on est dans l'œil du cyclone. Ouais. Et tout d'un coup, tout s'arrête et on se sent aspiré. Enfin, je sais pas comment expliquer, il faut voir le film. Mais franchement. Vrai. Non, c'est vrai. C'était pas très fan de ce genre de film, mais pour le coup, j'ai un très bon souvenir. Ouais. Et ben, je pense que. Enfin, là, c'est beaucoup plus action. Ouais. Action, armes à feu et tout ça. Mais je pense que les effets spéciaux, déjà, rien que ça, valent le coup pour dans la même veine. Ouais. Donc voilà. Bah, et puis de coupure musicale. Oui. Allez. Alors avec Loïc Noté et Million Eyes. Oh, et on revient tout de suite après pour se dire au revoir. Pour faire la bise. Oui. Ouais, allez, ça c'est parti. Faire plein de bisous. Such a freak. It's what people say to me. Different to different. I'm scared of judgment. Your insults and your slander stick on to me. that's what's happening to me. Cause with your mirror eyes, you watch me. You talk behind my back. You spell me. So I scream and shout to make you leave. But you'll see, you keep judging me. Cause with your mirror eyes, you watch me. You talk behind. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM 107.9 FM. Et bien, comme toutes les bonnes choses ont une fin, et ben on arrive à la fin d'émission. Sauf le saucisson qui en a deux. Oh là là, mon Dieu. On arrive à la fin de l'émission. Ouais, ouais, ouais, on est fatigué là, vraiment. C'est l'heure de l'apéro, allez, on y va. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie. Ça nous ferait plaisir, hein, justement, que vous nous fassiez un retour sur Internet via notre page Facebook. Donc, l'émission donc 120 au compteur, n'hésitez pas. Ouais, nous, on se retrouve la semaine prochaine, on y s'a promis. Ah oui, avec plaisir, j'adore. Oh là là, même heure, même antenne, Sherlock. Oui, bien sûr. Donc 107.9 FM, 20h, 22h, tous les mardis soirs. Eh bah c'est dit. Allez, portez-vous bien et restez bien sûr à l'antenne de RLM 107.9. Allez, ciao. Ciao, bisous. Ciao, bye. Bisous.